temps qui passait, en bas pont de l'eau coulée, tout fait l'amour fané, là où j'ai pas tombé, papa jamais pensé, pas même imaginé, depuis nous séparer, pas qu'arriver oublier, tout ça où t'es pas moi, toutes les tout écrit moi, tout carotte, toute photo, manger tes yo. Mets tes genoux à terre, pour dire en nuit qu'on joue. M'en pédi ou m'en souffert, malgré tout ça, je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas. Ne m'oublie pas.